et leurs années par une fin soudaine. Amen. Je voudrais partager avec vous trois vérités tirées de ce passage. Psaume 78, 1 à 33. Premier élément, enseignons à nos enfants ce que nous avons entendu. Oui, c'est un principe que nous retrouvons aussi bien dans l'Ancien, tout comme dans le Nouveau Testament. Lorsque tu es père, père biologique ou même père spirituel, tu dois apprendre à enseigner à tes enfants, à la génération future, ce que tu as entendu, les enseignements que tu as reçus, les choses que tu as vues. Il faut enseigner et de génération en génération. C'est ce principe-là que Paul va dire dans 2 Timothée 2:2. La multiplication spirituelle, il va dire, ce que tu as entendu de moi en présence de plusieurs témoins, confie-les à des hommes fidèles afin qu'ils soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Vous voyez ce processus. Ce processus nous montre, il y a 4 choses ici. D'abord, premièrement, il faut avoir un père. Il est dit ici, au verset 3, ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté. Il faut que tu aies un père. On a l'habitude de dire, quand on n'a pas de père, il n'y a pas de repère et on se perd. Tu dois avoir un père spirituel. Je vais dire à un frère, écoute-moi bien, quand tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu cherches à avoir un père spirituel qui va commencer à t'encadrer, à t'enseigner, à t'aider à aller de l'avant. Quand on n'a pas de père, ce n'est pas bon. Et deuxièmement, tu reçois l'enseignement du Père. Vous voyez, il faut apprendre à recevoir l'enseignement. Tu entends et puis maintenant, tu vas enseigner à tes enfants. Vous voyez, c'est l'autre étape. Il est dit au verset 4, nous ne les cacherons pas à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance, les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob. Il a mis une loi en Israël. Il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants. Et maintenant, quatrième niveau, les enfants aussi doivent enseigner à leurs enfants et de génération en génération. Vous voyez, c'est un processus. Il dit au verset 6, « Pour qu'elle fût connue de la génération future des enfants qui naîtraient, et que, devenus grands, ils en parlassent à leurs enfants. » Pourquoi nous devons enseigner à nos enfants ce que nous avons entendu? Il donne 3 raisons. Première raison, afin qu'ils mettent leur confiance en Dieu. Deuxième raison, qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu. Et troisième raison, afin qu'ils observent les commandements de Dieu. Si nous voulons que nos enfants, que ce soit nos enfants biologiques, que ce soit nos enfants spirituels, marchent dans l'obéissance, qu'ils mettent leur confiance en Dieu, qu'ils n'oublient pas le Seigneur, nous devons donc faire notre devoir, leur enseigner la parole de Dieu. Deuxième vérité, n'imitons pas les mauvais exemples, soient-ils de pères. Vous voyez, dans la Bible, il y a des exemples à suivre et des exemples à ne pas suivre. Quand tu vois quelqu'un qui ne marche pas dans la voie droite de Dieu, même s'il porte le nom de bishop, archibishop, prophète, pasteur, si tu vois qu'il vit dans l'impudicité, n'imite pas ça. Si tu vois qu'il vit dans le mensonge, la magouille, n'imite pas ça. S'il commence à te dire, allons pour invoquer la sirène des eaux pour envoyer l'onction, entrons dans tel réseau bizarre où on fait des prières à minuit, à 2h du matin. Il ne faut pas entrer. Il ne faut pas imiter les mauvaises choses. Nous voyons ici, Dieu dit, il ne faut pas imiter l'exemple d'Israël. À un moment donné, Israël s'est rebellé contre Dieu. Vous voyez ici, il donne 3 choses qui démontrent la désobéissance d'Israël. Ils n'ont pas gardé l'alliance. Ils ont refusé de marcher selon la loi et ils ont oublié les bienfaits de Dieu. Vous voyez, nous ne devons pas imiter cela. C'est pourquoi il est dit ici, au verset 8, « Afin qu'ils ne fissent pas comme leur père, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Les filles d'Éphraïm armées des tyrans de l'arc tournèrent le dos le jour du combat. » Ils ne gardèrent point l'alliance de Dieu. Ils refusèrent de marcher selon sa loi. Ils mirent en oubli ses œuvres, ses merveilles qu'il leur avait fait voir. Vous voyez, je vais parler à quelqu'un. Tu aimes citer l'exemple de David, l'exemple de Salomon. Il avait plusieurs femmes. Mon ami, est-ce que tu vois que la Bible dit que Dieu a félicité Salomon à cause de plusieurs femmes ou David? Ce sont des points faibles que nous ne devons pas imiter. La Bible nous dit, malgré les miracles que Dieu a opérés au milieu d'Israël, ils continuèrent à pécher. On nous cite ici ce que Dieu a fait. Il a fendu les eaux de la mer Rouge en deux. Il a conduit son peuple dans le désert par la nuée. Il a fait couler des sources d'eau. Mais le verset 17 dit, mais ils continuèrent à pécher contre lui et à se révolter contre le Très-Haut. Je vais parler à un frère. Ça fait longtemps. Ton pasteur t'a appelé pour te dire, abandonne la vie que tu fais. Tu fais souffrir ta femme. L'argent que tu as là, pourquoi tu ne dis pas de ton salaire à ta femme? Et tu entretiens des petites copines par-ci, par-là. Dieu t'a donné un temps de patience. Répends-toi. Pourquoi tu continues toujours à faire ce que tu fais, malgré les enseignements que tu as reçus? Non, nous ne devons pas continuer à pécher. À un moment donné, il faut se repentir. Il faut, avant la fin de cette année, tu regardes, tu fais le bilan de ta vie. Tu sors dans le péché où tu t'es mis dedans. Troisième vérité, Dieu punit son peuple à cause de la désobéissance. Il faut que chacun de nous soit conscient que lorsque tu t'endurcis dans le péché, Dieu peut te punir. Le péché entraîne des conséquences, mon ami. C'est pourquoi avant qu'il ne soit trop tard, répands-toi. La Bible nous dit aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Je vais dire à un jeune, tu continues à fumer, tu continues à marcher avec les drogués. Le Seigneur te donne un temps. Répands-toi, répands-toi. La Bible nous dit au verset 21, l'Éternel entendit, il fut irrité. Un feu s'alluma contre Jacob et la colère se leva contre Israël. Parce qu'ils ne crurent pas en Dieu, parce qu'ils n'eurent pas confiance dans son secours. Voyez, Dieu punit le péché. Et lorsque nous continuons ici, nous voyons que quand ils ont murmuré contre Dieu, ils ont demandé de la viande. Dieu leur a donné la viande, mais il les a punis. Il est dit au verset 30, ils n'avaient pas satisfait leurs désirs. Ils avaient encore leur nourriture dans la bouche. Lorsque la colère de Dieu s'éleva contre eux, il frappa des morts les plus vigoureux. Il a bâti les jeunes hommes d'Israël. Malgré tout cela, ils continuèrent à pécher. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous en préserve et que nous ne puissions pas endurcir le cœur. Nous devons avoir un cœur repentant. Que Dieu nous en préserve. Nous allons les louer, chantons ces cantiques. Yeswa zalinzela Zéla, Zéla. À Dieu, élève ta voix, mon frère, élève ta voix, ma soeur. Commence à dire merci à Dieu pour tout ce, pour toutes ces paroles et ces avertissements. Amen. Nous sommes à notre émission de prière OSB, Opération sous la brèche. Votre serviteur, révérend Dieudonné Ngoumbi, vous salue avec toute l'équipe OSB. Nous continuons à encourager ceux qui reçoivent OSB par WhatsApp. Si vous, vous désirez aussi recevoir, vous pouvez nous appeler. On va vous mettre dans la liste ou dans le répertoire de ceux qui peuvent recevoir OSB. Et à votre tour, nous vous demandons de partager avec vos amis, avec vos parents, en Côte d'Ivoire, même en dehors de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous prions avec les psaumes 78, versets 1 à 33. Voici quelques sujets de prière. Prions pour les parents biologiques, tout comme les parents spirituels, afin qu'ils jouent leur rôle, ils remplissent leur fonction ou leur responsabilité d'enseigner à leurs enfants. Que nous ne soyons pas démissionnaires, que nous enseignions la parole de Dieu à nos enfants, afin que ils puissent garder la voix du Seigneur au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Notre Dieu et notre Père, ce matin encore, nous t'exaltons, nous te remercions, nous te glorifions pour ce temps que nous sommes en train de passer avec toi. Tu nous appelles en tant que parents biologiques et en tant que parents spirituels, tu nous permets d'instruire nos enfants. Et la Bible dit dans le livre de Proverbes chapitre 22 verset 6, « Donne de bonnes habitudes à l'enfant dès l'entrée de sa vie et il les conservera jusqu'à dans sa vieillesse. » Dans d'autres versions, il est écrit « Instruis l'enfant selon les voies qu'il doit suivre et quand il sera grand, il ne s'en détournera point. » Seigneur, donne-nous d'être des modèles. Donne-nous d'être des parents qui enseignent, introduisent l'enfant dans la vie chrétienne, à marcher selon les principes chrétiens, à vivre selon la foi chrétienne. Donne-nous d'amener les enfants à l'église, de leur permettre de vivre selon les concepts, les principes, les commandements et les lois bibliques. Merci, cher Saint-Esprit, parce qu'en les faisant ainsi, nous évitons nos enfants des maladies, nous évitons nos enfants d'être dans des gangs, de faire des choses malsaines, des choses impropres, des choses qui ne te glorifient point. Toutefois, nous prions pour tous les enfants qui ont été égarés à cause de la démission d'un quelconque parent. Seigneur, rachète cet enfant, touche cet enfant, guéris cet enfant, transforme cet enfant, appelle cet enfant à la repentance et ramène-le dans ta voie. Merci Seigneur pour ce que tu es en train de faire dans la vie de cette famille, dans la vie de cet enfant difficile, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous allons prier pour que Dieu nous aide à ne pas imiter les mauvais exemples. Nous avons souvent des mauvais exemples, que ce soit au milieu des jeunes, que ce soit au milieu des couples, que ce soit dans l'église. Il y a des gens qui ne sont pas des exemples. Nous ne devons pas imiter ce que nos pères spirituels ou nos pères biologiques ou nos amis, s'ils vivent dans le péché, que Dieu nous aide à avoir le discernement. Afin que nous ne puissions pas imiter ce qu'ils font, mais que nous puissions imiter ce qui est positif. Prions le Seigneur. Bénis ton nom ce matin, notre Dieu, notre Père. Merci pour ta parole, qui est une lampe, notre Dieu, notre Père, sur notre chemin, une lumière, sur nos pieds. À toi la gloire. Parce que tu nous dis également dans ta parole, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Nous prions ce matin pour que tu nous aides à ne pas imiter la mauvaise manière de nos pères, la mauvaise manière de vivre, de se comporter. Ce mauvais témoignage. Pour cela, on n'a pas le droit de quitter l'église, mais de s'attacher à ta parole, d'être conduit par ton esprit, d'avoir le Christ qui est notre chemin, qui est notre sauveur, qui est notre berger que nous devons suivre, au lieu de suivre des hommes qui sont mortels. Nous voulons te supplier ce matin. Beaucoup ont quitté l'église à cause des mauvais comportements des leaders, à cause des mauvaises manières de vivre, de certains leaders qui ont détruit la vie, le témoignage, la foi des jeunes. Nous t'en supplions ce matin et nous voulons encourager tous ceux qui nous écoutent à mettre leur foi dans le Seigneur et dans ses promesses, à ne pas venir à l'église pour suivre quelqu'un, mais c'est celui-là qui est mort sur la croix de Golgotha, qui nous a sauvés, qui est venu détruire les œuvres du diable et les a livrés en spectacle. Il a dit, tout est accompli. Donne-nous la force, même malgré leur mauvais comportement, à toujours avoir les yeux fixés sur toi. Donne-nous la force, avoir les regards tournés vers toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous venons de voir que le péché entraîne la colère de Dieu. Le péché peut déclencher la colère de Dieu. Nous allons prier pour tous ceux qui vivent dans le péché. Ils vivent dans l'adultère, ils vivent dans la colère, dans la haine, ils vivent dans le mensonge, dans la corruption, dans toutes sortes de compromissions. Que le Saint-Esprit les touche, les convainc, afin qu'ils se repentent et que la colère de Dieu ne s'abatte pas sur leur vie. Et s'il y a quelqu'un qui vit des choses bizarres, qui vit les conséquences de ce péché, que cela l'amène à la repentance. Prions le Seigneur. Nous te bénissons, tendre Père, pour ton amour sans fin, pour tes grâces infinies, pour tes percées que tu nous accordes, la vie en abondance. Tu combats pour nous chaque jour. Et tous les jours, Seigneur, tu veux que nous te ressemblions. Tu es saint et tu veux que ceux qui t'adorent, t'adorent en esprit et en vérité. Pourtant, au milieu de nous, beaucoup vivent dans la désobéissance, beaucoup vivent dans la fornication, beaucoup pratiquent toute forme de sexualité et ils sont hypocrites. Les femmes qui trompent leurs maris, des maris qui constamment trompent leurs épouses, des enfants rebelles, des hommes et des femmes, même à l'église, qui sont mécontents, qui sont jaloux, qui pratiquent la haine, le mépris, qui sont orgueilleux et qui s'injurent, qui ne sont pas soumis aux responsables, aux autorités spirituelles. Beaucoup marchent selon la convoitise de ce monde, dans les réseaux sociaux. Beaucoup regardent des films, des pornos, des choses qui ne te glorifient point. Seigneur, pour toutes ces choses, nous venons à toi. Les cœurs sont égarés, les cœurs sont désobéissants, les cœurs sont méchants, désapprouvés par ta parole. Et ton jugement est là. Nous sommes marqués par le péché. Aie pitié, restaure-nous. Donne-nous de sortir de tous ces péchés. Donne-nous de renoncer à ces mauvaises voies. Tu reviens bientôt. Que ta crainte soit dans nos cœurs. Fortifie nos foi. Merci d'aider quelqu'un aujourd'hui, Père. Que ton nom soit glorifié, parce que nous appelons à la sanctification, à la sainteté, à la pureté. Merci de nous restaurer encore en cette saison de fin d'année. Donne de croire en toi, d'avoir les yeux sur toi, que tes promesses sont oui et amen, même si elles tardent. Donne de croire que tu vas exécuter ton divin plan dans notre vie. Merci de nous relâcher comme des bénis aujourd'hui. Merci de nous guérir, de nous transformer et de nous aider à marcher selon ta volonté. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, c'était OSB. N'oublions pas notre grand rendez-vous spécial OSB. C'est pour le samedi 28 décembre 2019 à la mission Ephrata à Riviera Faya de 9h à 13h. Vous êtes conviés tous à venir à ce grand rendez-vous pour dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant.